Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le site de damouage.fr vous présente une série de cours de ta'bir, d'expression orale en langue arabe, tiré du livre de l'université de Riyad, niveau 1. Cours dispensé par Abu Taymiya Khalil al-Martiniki, wafaqahu Allah wa saddada. ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل الإسلام والمسلمين. 11e leçon. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بالإحسان يوم الدين أما بعد. عليكم الكتب أسألكم. ما معنى الهواية؟ هواية فن. نعم. ما معنى قطار؟ شاهد يشاهد. المناظر. محطة. عطلة. Les vacances. مانع. Un empêchement. فقط. Seulement. C'est tout. لكن. Mais. أيضا. مدينة. Oui. مبكرا. Tôt. طيب. كنا اليوم فقط أسئلة من إقرأ هذا ويبدو تكافى عبا ثالث ثالث يعني أكمل كما في النموذج هل تفضل كذا وكذا طيب تفضل الجملة الأولى هل تفضل الدرجات أو سيارة أفضل سيارة نعم التي تحت هنا صفحة 73 حفلات أجرة ساعة خذ الجملة التي تحت سألنا فصل ومسول في كم ساعة في كم ساعة أفضل هل هل تفضل الدراسة أو العمل أفضل بس بيش تفضل الناس أنا ذا مضارع أفضل أيوة أفضل العمل Pourquoi vous travaillez aux études ? Non, moi, Anna, Les études sont préférables. Pour le cœur, mais le travail est préférable pour le corps. C'est-à-dire que il y a plus de difficultés dans le talabalim que dans le travail. Même certains salafs disaient que faut reporter un gros rocher, travailler, tu vois, était plus facile pour leur nefs que de répéter un hadith afin de pouvoir le mémoriser. Parce que tu regardes bien tout ton travail. Travail, c'est pas dur. Il y a des travaux qui sont un peu durs, mais regarde ton travail. C'est pas tout le monde qui fait talabalim. Et tout le monde, tu verras bien souvent, les gens ils se battent pour travailler, trouver un travail, c'est bien. On n'y est pas, tu vois. Mais quand tu deviens, on s'en fout, on étudie, là tu vois, c'est dur. Donc tu as le problème, à chaque, à la neuf, c'est une amel. La jumelle, la tibarda. أو العودة أفضل السفر نعم ثم هل تفضل الأكل أو النوم؟ Faire manger ou dormir. Et comme dit Ibn Qayyim, parmi les, l'excès dans la nourriture ou le sommeil, c'est parmi les choses qui ont le cœur dur. Avoir de... Non, tu dis pas de pas le faire. Tu peux préférer l'un à l'autre, tu vois. Maintenant, c'est un bitch, tu vois, disais par rapport à ça. Ceux qui parlent trop, qui rigolent trop, qui mangent trop, qui dorment trop, et qui ont trop de relations sexuelles, ce qu'il dit, c'est parmi les causes qui font cœur durcir le cœur, qui ont le cœur plus dur. Bien que manger, tout ça c'est permis. Même des fois, tu peux manger à point que ce soit rempli. Souvent, des gens disent ouais, non, c'est pas trop manger ou quoi. Et tu as des hadiths qui sont venus que Nabi Sallam et ses compagnons ont mangé au point d'être remplis de poids à place. Donc, c'est pas une chose qui est qu'on peut reprocher à quelqu'un. Maintenant, il faut éviter les bars tout le temps. Mais sinon, des fois, tu dis ouais, tu manges trop et tout. D'ailleurs, il y avait une histoire comme ça avec l'imam Shafiri, qu'il avait été accueilli par l'imam Ahmed. Et la famille et lui, l'imam Ahmed, ils vantaient beaucoup Shafiri. Pour sa famille, c'est un homme grandiose qui a beaucoup de choses, ainsi de suite. Donc après la nuit, il est venu, il est allé dans la chambre, ils lui ont donné une pièce pour qu'il puisse s'installer dedans. Imam Ahmed, il est arrivé avec un plateau plein de nourriture pour son rachat, pour le dîner. Il lui a apporté, il l'a laissé devant la porte, après il est parti. Ensuite, il est revenu pour récupérer le plateau, du moins le plat où il y avait à manger, et il n'y avait plus rien dedans. Il avait tout mangé. Donc il appelle sa famille, il dit, attends, comment tu dis, c'est un grand gars, il a tout mangé et tout, là, il a vraiment trop mangé, c'est pas bon. Après, il a apporté de l'eau pour mettre devant sa pièce, pour que s'il a mieux faire l'eau d'eau, il fait la clé, mais ainsi de suite. Et après, il a apporté le seau et le marmotteau fageur. Vous voyez, le marmotteau fageur, le seau, il était nickel. Donc après, de ce que je me rappelle de l'histoire. Après, la famille, elle m'a dit, comment ça, il ne fait même pas pour faire Kamel-Lay ou Kalat, c'est un homme grandiose, c'est un imam. Et ma mère dit, je vais demander, c'est quoi ces choses. Donc il est parti voir, il a dit, pour la nourriture. Et Shafiri, il a dit tout simplement parce que moi, c'est la nourriture de la Mahmed, donc j'ai voulu en profiter, qui m'a donné à manger, donc je mange ce que tu m'as donné. C'est pour moi, c'est un honneur. Et après, sur les hadiths, qu'il est arrivé avec Nabi, il a passé il faisait tourner un verre de lait entre les Sahaba, et à la fin, il a dit à Abu Huraira, bois. Abu Huraira dit, j'ai plus de place, je ne peux plus boire. Il dit, c'est le preuve qu'on peut manger jusqu'à ce qu'on soit rempli, il n'y a pas de mal. Après, il a dit par rapport au. Au Kamel Leil, il a dit le tafakkur fi din afdal min al-ibada. Le fait d'étudier est meilleur que l'adoration. Il dit, moi, toute la nuit, je l'ai passé à réfléchir sur des hadiths, à sortir des fawaïd des hadiths. Bon, un hadith, et j'ai réfléchi dessus, genre toutes les règles que je peux en tirer. Et ça, c'est meilleur que le fait de faire Kamel Leil. Après, il a dit quoi? Et le fajr, il a dit, comment t'as pas fait l'eau de fajr? Il a dit, j'ai mon eau d'eau depuis l'Aïcha. Là, il n'a pas dormi de toute la nuit. Tu vois? Donc l'imam Ahmed le dit, c'est vraiment, vraiment un grand défi. Je suis en famille, il raconte cette histoire. Fait la hadith, elle haine là. Sortir les règles des hadiths comme ça, faut avoir parmi les gens des ijtihad. Ça c'est pas tout le monde. Tu peux des fois prendre un hadith, réfléchir, mais toute la nuit tu vas sortir plus des bidats, plus qu'autre chose. Tu vois. Donc, il faut avoir des règles, connaître tout le fait, connaître le roi de l'Arabie, tout ça. Tu peux réfléchir, méditer dessus, il faut. Tu peux sortir. Faut, tu vois, méditer dessus. Par exemple, Abu Huraira, comme il a dit, il avait plus faim. Ah, oui. Ça, tu comprends que, tu comprends que tu peux manger jusqu'à vraiment. Parce que ce soit rempli de dames. Je comprends, parce que c'est difficile, c'est un hadith maintenant. Mais lui, quand il dit ça, il veut dire que pour un hadith court, il va te sortir au moins 300 règles que toi, tu ne vas même pas voir. Ah, ouais. C'est ça qu'il va comprendre. Des trucs que toi, tu ne vas jamais voir pour l'instant. Tu vois, direct subtil. C'est un hadith pour qu'on fasse ça. Et toi, tu te dis, j'ai où la vie, ça? Après, il y a beaucoup de hadiths. Ouais, non. طيب. Ensuite, الحافلة سيارة الأجرة. تفضل. من أخي قراءة؟ نفسي توا. Ouais, lui, il a fait le akl wal nawm. Donc maintenant, c'est à toi, celle-là. هل تفضل الحافلة أو سيارة الحافلة؟ الحافلة. هل تفضل الحافلة أو سيارة الهجرة؟ تفضل سيارة الهجرة. نعم. Est-ce qu'on peut faire le car ou le taxi؟ ثم. هل تفضل دراجة دراجة؟ دراجة. هل تفضل دراجة دراجة الأولى أو دراجة السياحية؟ Le kitab al-sahifa. Enfin, le livre ou le journal ou le magazine. At-tayra ou kitar. Ah bon? À cette époque, on en a parlé la dernière fois. Tayra, c'est dangereux. Les trains, c'est très plus dangereux. Pas forcément. T'as pas de télé dans le train. T'as des femmes qui t'adorent. Tu vois, t'as pas le. Ouais, ouais. Moi, j'ai pensé à ça. J'ai fait la télévision où la king des femmes, elles sont. Les femmes, elles sont dans l'avion pareil. Ouais, la king dans l'avion, elles sont pas. T'es, les places, elles sont bien. Tu vois, c'est. Tu crois? Ouais, enfin, je te dis, le train et l'avion, ouais. Le train et l'avion sont pareils, sauf que le train, il y a moins de choses que dans l'avion. Mais ils sont pareils. L'artillerie, c'est le même. Iqra. Là, on avait rajouté. Une question. Le fiqh ou le nahou, n'am. Hein, tu dis quoi? كيف فهمه يحتاج النحو لتفهم الفقه تحتاج النحو طيب ثم الأسئلة إلى أين تسافر إلى أين يسافر مالك؟ أيوة. سافر إلى مدينة دمام. مدينة دمام. طيب ثانيا وبأية وسيلة سافر؟ سافر بالقطار. ما هي إجراءات السفر؟ إجراءاته اشتري تذاكر فقط في المصدر ولو تدي أن أو تدي أن يشتري أو تدي الشراء ما تدي إجراء ويشتري وكذا الفراسة لا تكون كوريك إجراءاته شراء أيوة شراء شراء تذكرة وحجز المكان وحجز المكان نعم طيب ثالثا رابعا ماذا شاهد مالك وتوالك من القطار شاهد مناظر جميلة كيف تقول شاهد أيوة بالألف طيب ثانيا عجيب الأسئلة الآتية هل سافرت بالقطار؟ نعم سافرت به طيب إلى أين؟ سافرت به إلى مدينة شطر طيب ثالثا لماذا فضلت السفر بالقطار؟ لأنني منه أشهد أشهد أشاهد والخاص كذلك سمو شيخ نعم رابعا كم دفعت قيمة التذكرة دفعت خمسة ألافين تقريبا ها خمسة ألافين لا بل ألف دي ريال خمسة آلاف ريال خمسة خمسة خمسة خامسا أين وضعت حقيبة ملابسك في مخزن الطائرة طيب الطائرة الحقيبة ما فهمت في مخزن الطائرة طيب ثالثا من القطار شاهدت مناظر جميلة ما هي هي الجبال الكبيرة والأشجار الجميلة والبحر وطلوع الشمس طيب سابعا كم ساعة سافرت سافرت 50 ساعة لا 50 ساعة نعم طيب ندخل في الدرس التاسع ما زلنا في الوحدة الثالثة الوصول إلى الميناء الوصول سي لاريفي والميناء سي لو بور طيب ها ميناء بور بور لا لا لا لا خنزل الجمال طيب نشوف في الكلمات الجديدة مينا بور Et tout en bas, il a mis le pluriel, je sais pas pourquoi il n'a pas mis à côté, c'est Mawani, il est là. Yeah. Mawani, quatrième ligne, c'est le Jam. Asima, t'as vu ça, c'est la capitale. Asima, c'est la capitale. Soufoun, c'est le Jam de Safina. Pareil, je ne sais pas pourquoi l'on n'a pas mis ensemble. Soufoun, c'est le pluriel de Safina qui veut dire bateau. Ashkel, c'est le djem de Shakl qui veut dire apparence, forme. Ahjam, c'est le pluriel de Hajam qui veut dire format, taille. Rukab, Hajam. Aïe, qui veut dire taille forme. Rukab, c'est le diam de quoi? Rakib, non. Qui veut dire passager. Bada'i, qui veut dire marchandise. Marchandise. Non. Dorma, c'est ça veut dire énorme, gros, immense. Nift, c'est cargaison. Cargaison. Cargaison. Hein? Cargaison. Hmm. Pétrole. Hmm. Aïe, pétrole. Ah, je crois que tu as raison. C'est pétrole. En fait, il veut dire le. Sa finale, la tête Ahmed Nift, c'est le pétrolier. Arsente, ouais, c'est le pétrole. Mashallah. Nafi. Naqila, c'est le transport. C'est comme Moussawala, Moussawala. Là, c'est le transport des choses, de la marchandise. Ah, transporter, non. Mais le transport, toi, pour l'instant. Enfin, dans la phrase, ça paraîtra mieux. Momtia, agréable. Bien. Ah, agréable. Sa fille là, c'est on a dit son pluriel au début, sauf au nom. Ah, non, oui. Momtia, agréable. طيب ابدع واكبر واصغر وابعد واقرب واطول واقصر واسرع واقدم واوسع واجمل وانظف توصف اسم تفضيل. طيب ابدع c'est de badir, c'est une chose nouvelle sans précédent. Badir, نعم. Une chose nouvelle. Oui. C'est quoi le sens? Dans le texte, ça apparaît. Badia, c'est nouveau, en fait, non? Non. C'est quoi, c'est un verbe, ça? Badia. Badir, là. Ah, Badia, en plus, c'est un verbe. Akbar, c'est le kabir. Ashab, le sarir. Abad de Baïd, Akrab de Karib, Atouel de Tawil, Aksar de Kassir, Asra de Salir, Agdam de Kadim, Aoussar de Wassir, Ajmel de Jamil, Wanzar de Nazif. Et tous ces mots-là, vous les connaissez. C'est le mot du Kutab Awel. La différence entre Azwar ou Aksar? Kassir, c'est court. En taille. Et Azwar, c'est petit. Non. Ensuite, Mukhtalif, différent, varié. Hamala Yahmilou, transporté ou porté. Un 10 ou Mukhtalif, mais des fois dans des phrases, ils disent Mukhtalif. C'est un autre mot, c'est un masdar. Mais c'est la même. Yahmilou, porter, transporter. Nazara yanzuru, regarder. Nazara, ya laha, c'est une formule de ta'ajjub, d'exclamation. Je ne sais pas comment on traduirait. Ah, comme oh, ou je sais pas. Ah, oh, c'est pas les mêmes. Non, je sais pas comment traduire celui-là. Quand tu l'emploies, quand tu es surpris d'une chose, tu t'étonnes d'une chose. Iqama, c'est le axe de Safar qui veut dire résidence. Iqama là, c'est le contraire de Safar. Alors pour ça, c'est qu'on voyage, et le Mouqim, c'est celui qui est résident. Afkal, c'est le ism tafdhil de Faqil, qui veut dire lourd. C'est quoi entre parenthèses, le tafdhil? Pour dire que c'est un ism tafdhil. C'est pour dire que c'est un ism tafdhil. Ce n'est pas un verbe rubaï. طيب الان ناخذ الحوار بين مالك والطارق. طيب انت الطارق وانت مالك. هذا مين هذا مين هذا مين هذا مين هذا مين هذا مين هذا مين هل هو أكبر من الرياض من الرياض العاصمة؟ Qui dit est-ce qu'il est plus grand que la capitale Riyad? لا هو أصغر منها. Dit non, il est plus petit, petit qu'elle, cependant, il est le plus grand des ports d'Arabie Saoudite. Manzar. Donc il dit, c'est là comme je vous dis, ma'abda'a, on est pris dans le kitab awel, sirat ta'adjoub. Quand tu donnes une chose, quand tu dis ma'ajbala haza, comme c'est beau, tu dis ma'akbara haza, comme c'est grand, et ainsi de suite. Donc là, quand il dit ma'abda'a dans le manzar, non, là, il parle du paysage, de la vue. Il dit comme ce paysage est. C'est un nouveau paysage pour lui. Voilà. Je ne sais pas comment traduire, mais vous avez compris quoi. Il s'étonne du côté moderne du paysage, quoi. De sa créativité. Oui, mais je pense que là, le manzar, c'est comment il a été construit le port. Mm-hmm. Comment ils ont construit le port. Ouais, sûrement, ouais. Donc là, ma'abda'a, c'est ta'adjoub. Et là, normalement, il aurait dû dire Allahumma barik. Sans quoi, tu peux atteindre d'aïn. T'as soufoun d'akhiratoun ou soufoun khalija. Des bateaux qui rentrent, qui sortent. Ou à l'intérieur, à l'extérieur. C'est pas une sortie pour les bateaux. Là, d'akhirat, c'est une fin. طيب طارق انظر الى اشكالها واحجامها المختلفه دونك انظر في الامر في الامر نظر ينظر كي regarde طيب الى اشكالها leur apparence طيب واحجامها leur taille فغبار من la taille qui veut dire elle مختلفه différente طيب regarde leur apparence et leur format ou taille plutôt différente parlant des bateaux. هذه السفن هذه السفن تحمل الركاب وتلك تحمل البضائع. Donc il dit ces bateaux transportent les passagers et ceux-là transportent les marchandises. وما هذه السفينة السخنة الضخمة. Il dit quel est ce gros bateau, cet énorme bateau. إنها نافلة للنفط. Il dit, elle est pour transporter le pétrole. Donc là, nakla, c'est ism fa'il de nakla yanqulu, qui veut dire transporter une chose. Donc il veut dire pétrolier en fait. إنها نافلة للنفط, c'est-à-dire transporte le pétrole. Donc c'est un pétrolier quoi, en fait. Et on sait que les pétroliers sont gros. C'est les gros bateaux. Nakla. Et Hamala, c'est pareil en fait. Ouais, c'est. Hamala, Nakila, c'est proche comme sens. Tariq. Donc là, Yalaha, comme je vous dis, je ne connais pas vraiment d'équivalent en français, on va dire. Ah, quelle agréable sortie. Rihla, c'est sortie virée. Mumtia, agréable. Ah, Walen Yakul, Istabir, Waraddid. Là, il va vous faire employer l'ism tafdil qui permet de préférer une chose à une autre. Et ça, c'est un truc que Inch'Allah qui a déjà été pris. Kitab Awel, Fawa Sahel. Yaqul, Ar-Riyadu Akbaru min al-Damam. Ar-Riyad est plus grand que Damam. Ad-Damamu Asqalu min al-Riyad. Damam est plus petit que Riyad. Thalithan, Al-Mataru Ab'adu min al-Mahatta. Donc l'aéroport est plus loin que la gare. Al-Mahattatu Akrabu min al-Matar. La gare est plus proche que l'aéroport. Al-Qitaru Atwalu min al-Sayyara. Le train est plus long que la voiture. Al-Sayyaratu Aqsaru min al-Qitar. La voiture est plus courte que le train. Al-Tayratu Asra'u min al-Qitar. L'avion est plus rapide que le train. Al-Safaru Amta'u min al-Iqama. Le voyage est plus agréable que la résidence, le fait de rester sur place. Thaniyan, Adib Kemafin Namouzaj. Répond comme un exemple. Namouzaj Yakul. Donc il laisse un trou Akbar, min, et après le trou. Ensuite, mes deux mots, Riyad, wal, dimam, ou dabam. Donc, il faut mettre chaque mot à la place qui lui revient. Riyad, akbaru, min, dabam. Donc, Dimen, il veut que vous appreniez le même ism tafdil, akbaru, min. Allez, voilà, la classe est plus grande que la chambre ou la pièce. La bibliothèque est plus grande que la classe. Non. La chambre ou le dortoir est plus grand que le établissement. La porte est plus grande que la fenêtre. Al-durju akbaru min al-kursi. Le meuble, le casier, on va dire. Le casier est plus grand que la chaise. Le dos, c'est une dame, je trouve que c'est une fatha. C'est une dame. Ouais, c'est. Peut-être, tu vois, ça peut être un casier, ça peut être un truc de, un lieu de rangement. Quoi. C'est un Nissan ? Là. Le maître, il n'est pas sur le calife. Al-Hakibatu akbaru min al-kitab. Non. La valise est plus grande que le livre. Non. Al-Mistaratu akbaru min al-qalam. La règle est plus grande que le livre. Tamam. Thalithan. حاول كما في النموذج نتخصها وقدر الاكزامبل النموذج يقول الفصل الحجرة ensuite il met واسع donc après tu dis الفصل أوسع من الحجرة la classe est plus large ou plus grande aussi on peut dire que la pièce ou la chambre large à la base mais là on peut dire grand parlons pas comprendre vaste. هذا في البيت في العيش على البيزون وفي رابعا استمع وردد هذا الميناء وهذا الميناء من أكبر المواني donc ce port est parmi les plus grands ports comme ça on dira من أكبر المواني ce port est parmi les plus grands ports هذا المكتب من أسفل المكاتب. Ce bureau est parmi les plus petits bureaux. هذا المعهد من أقدم المعاهد. Que cet institut est parmi les plus vieux instituts ou établissements. رابعا هذا الملعب من أوسع الملاعب. Ce terrain de jeu est parmi les plus grands ou les plus vastes terrains de jeu. هذا المسكن من أبعد المساكن. Donc ce lieu de résidence est parmi les plus éloignés des lieux de résidence. Dortoir ou... Sadisan. هذا المجلس من أفضل المجالس. Cette assise, même un majlis, ça peut être aussi un salon. Ça peut être aussi un salon. Donc je pense que c'est ça qu'il veut dire là. Ce salon est parmi les meilleurs salons. هذا المنزل من أجمل المنازل. Et منزل, ça peut être aussi une maison. Une demeure. Donc... cette maison ou ce logis est parmi les plus beaux logis. Faminan, هذا المطعم من أنظف المطاعم. Ce restaurant est parmi les plus propres restaurants. Des restaurants. Et on peut traduire aussi par ce restaurant est plus propre que ce restaurant. Là, c'est Amin, là. C'est pas Min, là. Tu dis هذا المطعم أنظف. Min après. Mais si bien avant, c'est parmi. Il est là où on traduit par parmi. طيب خامسا أكمل كما في النموذج النموذج يقول Aza al-mina min akbar. C'est un trou. Et après, tu dois mettre le pluriel. Comme on a fait là. La même chose. Et tout est en face. Estijaba, la réponse. C'est le même sens que Ijaba, Estijaba. C'est la réponse qu'on demande, qu'on attend de toi en fait. Hadaïdon, c'est la con fil bait. Je vais vous bombarder de devoirs. De toute façon, tous les mots ils sont en face, hein. Normalement. Le jam, ils sont tous en face. Sadisan, istami ou raddid. Donc là, pareil, il va faire quoi? Le ta'adjoum. Sirat ou ta'adjoum. Yakula walen, ma abada adal mandara. On n'a pas assez trouvé une traduction. Hein? Comme on a dit, Kafikouli ta'ala, badi'u samawati wal ard. C'est le créateur des cieux de la terre. Mais c'est le badir, c'est pas seulement Khaliq, c'est qui a fait une création sans précédent. De façon nouvelle. Donc là, je ne sais pas comment traduire. Hein. Mais comme est moderne, le manzar à la base, c'est le paysage ou le lieu que tu regardes. Alors, on va dire que quand même moderne, ce paysage. Cette vision. Vous voyez, Ahamchi, vous avez compris, Anima Abada, si on n'a pas la traduction, c'est pas grave. Thanian, Ma Ajmala Azal Makan. Comme est beau, comme est belle cette place, ou comme est beau ce lieu. Thalithan, Ma Anzafa Azal Matam. Comme ce restaurant est propre. Rabi'an, ma amta'a adil rihla. Comme est agréable cette sortie. Khamisan, ma asqala adil haqiba. Comme est lourde cette valise. Sadisan, ma awsa'a adil naqila. Comme est grande. On va dire pétrolier là. On va l'appeler pétrolier là. Parce que c'est là qu'on l'a pris dans le texte avant. Parce que naqila là-bas c'est juste transporte. Mais elle n'a pas précisé ce qu'il veut dire, donc on va l'attribuer au texte, on va dire que c'est plus trop dit qu'il veut dire. Vous voyez ? Ma ousa'ad il naqila. Donc on va dire comme est grand ce pétrolier. Mais au naqila on peut dire sur autre chose, tout transporte des choses en fait. Sabi'an, ma akbara adil sakina. Comme est grand ce bateau. Maintenant, avant de passer l'exercice, As'aluk, ya Daoud, comment tu vas dire comme est grand ce livre? Ma akbaru ma akbara. Ah, attention, là c'est pas istafdil, c'est un verbe là. Là, c'est un verbe. Là. C'est un ta'adjoub, c'est un verbe. C'est pas istafdil. Il a la même forme, là, c'est un verbe. Non, adal kitab. On va dire comme est beau ce masjid. Non. Qu'est-ce que tu peux dire comme exemple encore? Comme est loin c'est appelé la salade, la veine. Comme est loin. La veine. Comme abada. C'est pas comme. Ma abada. Comme est belle la voile du divan, la maison. La voile du divan. Ah, ma ajmala أيوة صادف ولا تمام. كم يبل cette religion dans l'islam؟ Bien sûr, on va pas parler. Mais Ajmala. Là. Bonne. Mais. Bonne. Pas dit belle. Bonne. Ah, est bonne, j'ai compris belle. Mais. Ahsana. Ahsante. Mais Ahsana, Hadid Din. Hadid Din. Hadid Din. Hadid Din. Non. Tu peux dire Tayyib. Non, Tayyib. Matiaba. Matiaba. Arsène il est retenu dedans. Non, non, c'est pas féminin. Naam. Sabihan, akmil kama fi namouzaj. Namouzaj yakoul. Ma, ensuite, parenthèse, pour mettre ça ta'adjoub, avec le verbe qu'il faut. Hazal manzar. À côté, il met badir. Donc de badir, tu mets le verbe qui revient à ça, qui est ma abda'a hazal manzar. Tafham. Abdel Badir. Ah? Abdel Badir, le serviteur du Créateur. C'est ça qu'on a dit, Badir au Samawati et au Ard. Celui qui crée les cieux et la terre. Donc là, il vous met la phrase avec un trou, et entre parenthèses, le mot à mettre en serviteur. Ah ouais, faut mettre. Ça s'appelle comment ça? Fir le Ta'adjoum. Le tout, c'est Sir Ta'adjoum, c'est une forme d'exclamation, mais le verbe, c'est Fir le Ta'adjoum. Ta'adjoub, c'est exclamation. Thaminan. Imla al-faraga sur jumal atiyati bi-ikhtiyar kalimat al-munasibah bi-mayali. Donc quand vous avez des phrases avec des trous, à vous de mettre, tayyib, à vous de mettre les mots à leur place. On a rukab, les passagers. Tahmilou, transporter. Al-nift, le pétrole. Dokhma, énorme, gros. Al-Mina, le port. Al-Ahjam, les tailles. Mumti'ah, agréable. Sabi'an ou Sabi'an, c'est Fibé. Nam. Sabi'an, c'est Fibé, ça. Nam. Ensuite, les phrases avec les trous. Awalan yakul. Taqif, Soufoud, Fi, Waïa, Mourtanifatoun, Al-Ashkel, Wa, Donc là, les bateaux s'arrêtent, là il faut mettre le mot qu'il faut, et elles sont de différentes tailles et de différents à mettre le mot. Thanian, bardo soufoun, tahmilo, wa bardoa, el badaïa. Donc certains bateaux transportent le mot à mettre, et certains autres, le mot à mettre, la marchandise, les marchandises. Thalifan. هذه ناقلة تنقل عفوا ويا لها من ناقلة donc هذه ناقلة ce bateau transporte hein, on va dire ce bateau transporte ils ont un nom spécial ils ont des noms spéciaux les bateaux qui transportent les paquebots paquebots ouais les paquebots c'est aussi les hommes. Le paquebot se transforme les hommes et les marchandises. Si c'est bien rien, je pense que c'est... Le pédiche. c'est propre pour la Seine, hein, ou sur les fleuves. En plus, c'est des bateaux où les gens vivent. Non, les pédiches, c'est des bateaux de vie. Les gens vivent dedans. Non, voilà qui, c'est pas de transport. Il y a des trucs de transport. Des marchandises. Yannick, moi je vois des gros bateaux comme ça. C'est les péniches, c'est ça. Il y a des cargaisons dedans. Je pense que c'est tout personnel, tu vois, parce que les péniches à la base, c'est des bateaux de. Les gens ils vivent dedans. Et t'as les bateaux mouches pour les touristes. c'est tout, sinon il n'y a rien d'autre vraiment sur la fête. En tout cas, là on veut dire, ouais. Les cargos. Hmm? C'est des cargos. Ouais, c'est les cargos qui transportent les marchandises. Arsène. Les cargos ils transportent les trucs. Parce que paquebot c'est les hommes et les marchandises. Cargo c'est les. Naam ça. C'est pour les marchandises. Cargo. Donc on va dire Naakila un cargo. Arsanta. Enfin, quand le Hadi Naakila tout Tankulu, donc ce cargo transporte. Yalaha min Naakila. Oh, quel est un gros ou. À vous de trouver le mot qui convient. Une exclamation. رابعا السفر بالسفينة يأخذ وقتا طويلا ولكنه هواية. Donc il dit le voyage en bateau prend beaucoup de temps. Yakhuz, akhaza yakhuzu, qui veut dire prendre. Waqtan, waqt, c'est temps. Tawil, long. Walakinnahu hiwaya. Mais cependant, il est. À la base, hiwaya c'est un hobby, mais là on va dire, il ne veut pas dire hobby, on va dire, il est. Pas et c'est agréable. Momti, il veut dire par là, je pense. Agréable. Il a dit ça prend beaucoup de temps, mais c'est agréable. C'est ça qu'il veut dire en fait. C'est plaisant. Quoi. Je crois que les bateaux, je crois que c'est pire encore que les avions. Les bateaux ? Pas du façade. À part bateau, je crois. Moi, je parle des bateaux, bateaux de croisière, quoi, truc comme ça. Ça, je crois que c'est encore pire que les avions. Il y a des piscines dedans. Ah. Des piscines, des boîtes de nuit. Mais non. طيب فكل هذه التمارين طيب لغد إن شاء الله وسنقفنا ودي كيسيون ما عندك سؤال طيب فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.